Moi, je regardais, je voyais juste des traits blancs. Des traits blancs sur ton ventre. Mm-hmm. Alors qu'en temps normal, quand tu regardes, donc tu regardes ton ventre dans le miroir, tu vois les traits blancs sur ton ventre qui est dans le miroir. Oui, je regardais mon ventre, je voyais la même chose. La même chose, tu regardes comme ça, tu vois la même chose. Pourtant, normalement, tu n'as pas ça. Mm-hmm. Pourtant, normalement, tu n'as pas ça. Avant de venir, tu voyais que tu n'avais pas ça. Il n'y a pas ça sur ton ventre. Mm-hmm. Oui. Et le trait blanc là, c'était comment? C'était juste blanc, ça sortait de. C'était comme la fumée qui. Qui sortait là-bas. Légèrement. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais avant même, mm-hmm. quand il a fait le geste de la main, avant qu'il me demande, il a tapé sur mon ventre. Sur ton ventre. Il a fait un coup de main, oui, un coup de tape sur ton ventre. Il m'a demandé, me dit que est-ce que tu. C'est quand il finit, donc quand il fait ses mouvements de bloquer, mmh. il bloque ta respiration. Oui. Mmh. C'est là où je vois tout ça. Mmh. Quand j'ai vu ça, il m'a dit Tu avais fui. Oui, je suis bien, je voulais même pleurer. Qu'il reste comme ça, je dis que non, ça c'est passé. C'est là où il me dit que non, on n'est pas pris. Que je t'ai montré ça pour que tu vois comment le monde, à quel point le monde est méchant. Mmh. Comment il y a trop de sorcellerie. Mmh. Bon, il t'a dit donc que c'est quoi ça sur ton ventre? Mmh. Il t'a dit c'était quoi? Il m'a juste dit que ce sont des choses qu'on t'avait lancées. C'est que mmh. il n'est pas entré dans les détails. Mmh. Il n'a même pas dit que bon, comme tu vois, ce n'est que ça qu'il m'a dit. Mmh. Donc, entrer dans les détails, là, lui n'était pas là tout ça. Mmh. Je suis restée. Il m'a demandé de m'habiller tout ça. Mmh. Quand j'ai fini m'habiller, je lui ai posé la question que bon, et pour ça, il faut quoi? Mmh. Il me dit que. Il me regarde, il me dit que je ne sais pas le pourquoi, il y a quelque chose depuis que j'ai vu tes photos, tout ça. Mmh. Qu'il y a des photos, quelque chose, j'étais toujours. J'ai toujours là, pris la peine d'observer tes photos. Tu es naïf. Mmh. Tu es le style de personne qui vit des choses que tu. Tu ignores. Oui. Que tu n'as pas. Que tu es tellement tu es tellement naïve que tu vis des situations dans la vie que imagine que tu es naïve et tu as un cœur plus. Mmh. Mais attends-moi, attends. Mmh. C'est que le diable avait. C'est lui qui parle du diable comme ça. Mmh. Mmh. C'est lui qui me dit que le diable, comme le diable est malin. Mmh. Mmh. Il a voulu faire en sorte que, comme la famille a des sorciers, des ceci, tout ça, machin. Mm-hmm. Donc, toi, tu as fait partie des victimes. Mm-hmm. C'est qui est, comme on dit souvent, que. Des gars qui l'ont tout. Oui, non. La mère et l'enfant, ils sont liés par le cordon ombilical. Mm-hmm. Quand on touche la mère, c'est qu'elle sait que ça va toucher. Que c'est comme ça qu'ils ont réussi. Mm-hmm. Quand je reste. Après ça, il vient. Il me dit que pour faire sortir, pour retirer ça de ton ventre, mmh. je vais te donner quelque chose que tu vas boire. Mmh. Mais en buvant la chose là, mmh. ça va te faire vomir mmh. tout ce qu'on a mis dans ton ventre, tout ça. Et entre temps, quand il me dit ça comme ça, là, il me dit que mais il n'y a pas que ça. Je ne voulais pas. Je viens même pas passer. Je dis que c'est parler de l'autre là peut-être. Mmh. C'est là où il me dit que bon. Que on t'a. Je vais te donner des choses, tu vas voir. Mais là où tu es là, pour enlever toute la saleté là de ton corps, tout ce qu'on a eu à mettre. Mmh. Donc, il faut que tu couches avec quelqu'un mm-hmm. par la voie anale mm-hmm. pour déposer tout ça sur lui tout ça. Mm-hmm. Moi, après, je lui ai directement répondu que ce sont des choses que moi, je ne peux pas faire. Mm-hmm. Il me dit, mais tu dois faire. Mm-hmm. Il dit que pour que le reste de la sorte véritablement que soit libre, il faut que tu parles chez quelqu'un, tu l'imposes qu'il couche par voie anale. Que pour que je sois libéré de ces malédictions. De toutes ces choses qu'on a injectées dans toi. Mmh. Il faut qu'après avoir peut-être. Après avoir fait sortir ça de moi, mmh. il faut que j'entretienne des rapports mmh. sexuels, tout ça. Mais de la façon anale. Mmh. Avec qui alors?